Salut, c'est Eric, bienvenue ici dans l'émission Johnny de A à Z le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h. Nous sommes le lundi 20 avril et aujourd'hui je propose donc 3 émissions pour une nouvelle semaine de confinement. Et aujourd'hui dans cette émission, la hors-série numéro 15, je vais vous proposer quelques titres. On va revenir un petit peu au principe de l'émission Johnny de A à Z, c'est de vous passer des titres studio, des titres live, des titres télévision, des bootlegs évidemment, des titres claques. Hein. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une petite émission sympa, hein, comme ça, tranquille. On va retrouver John Hayday aux USA, on va retrouver John Hayday en France en 1965 ou à l'arrière en 1968. En Italie, on va le retrouver ici également, hein. Il était sur Rai Uno en 1972. On va le retrouver sur les routes de province, hein, comme du genre, je sais pas, à Béziers, à Orange. Et on va le retrouver aussi, pour terminer cette émission, sur le Foch. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt pour suivre une heure d'émission Johnny de A à Z? Déjà, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe bien pour vous et je suis très heureux de vous retrouver également. Bonjour à tout le monde. Oui, je lis en même temps. Le thème aujourd'hui, que je t'aime. Oui, que j'aime Johnny. Oui, plutôt, c'est plutôt ça. On va commencer avec le premier titre que je vous propose. Johnny Hayday, vous savez, en 1962, est parti enregistrer aux États-Unis l'album Johnny Sings America Rocking Hits. Et puis, il avait fait une petite escapade du côté des studios de CBS dans l'émission de Ed Sullivan pour enregistrer 2-3 trucs. Il a été pris au Moulin Rouge. Et après, il avait fait une petite prestation en direct à la télévision. Mais ce n'était pas direct, puisque l'émission a été diffusée le 1er juillet 1962. Et Johnny, le 1er juillet 1962, était sur les routes. Il entamait sa tournée d'été le 1er juillet 1962. On va retrouver Johnny Hayday et Ed Sullivan Show tout de suite sur l'émission Johnny de A à Z. Je peux y arriver, c'est comme ça. Ouais, voilà. Bonne émission à toutes et à tous. C'est parti pendant une heure. Oui, Paris, where once Toulouse-Lautrec did his sketches, here is European rock and roller, Johnny Hayday. Hey, Tony. Hey, Pony. Hey, hey, hey, Pony. Oh, reviens chez moi. Hey, hey, hey, Pony. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oui, hey pony, hey pony. Oh oh oh. Je revois ton beau visage et je revois tes yeux comme un lion en cage. Moi, je deviens furieux. Oui, hey pony, hey pony. Oh oh oh. Oui. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou, moi ça m'étonne. Elle est sûrement chez vous. Oui, hey pony, hey pony. Oh, oh. Mais c'est vrai que ma fête, c'est toujours lui. Et avec des cigarettes, j'hérite ma vie. Oui, hey pony, hey pony. Tu me la jetes à toi. Oh, embrasse-moi. Oh, embrasse-moi encore. Chérie, je n'aime que toi. Oui, hey, pas, hey, pas. Ta mère m'a dit au téléphone, vous n'êtes pas fou, moi ça m'étonne. Elle est sûrement chez vous. Oui, hey, pony. Hey pony, oh oh oh. Oui, hey pony, hey pony, oh oh oh. Oui, hey pony, hey pony, oh oh oh. Boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie. Hey pony. Thank you. kili kili watch watch watch watch kem kem kem. Depuis deux jours, je ne fais que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Kili kili kili kili watch watch watch watch kem kem kem. C'est contagieux, car au lieu de dire bonjour en me croisant, mes voisins chantent à leur tour. Kili! Ouais! Oh, kili kili watch, kili kili watch. Kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili watch, kili watch, kili watch, kili watch, kili watch, kili kili watch, watch, watch, watch, kem kem kem. J'ai consulté le docteur de mon quartier. En moins d'une heure, je l'avais contaminé. Kili kili kili kili watch watch watch watch kem kem kem. Le directeur d'un asile m'a enfermé. Le lendemain, il chantait à mes côtés. Kili kili kili kili watch watch watch watch kem kem kem. Mes amis, n'écoutez pas cet air-là, car vous risquez de finir tout comme moi. Yeah! Kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili kili watch, kili watch, kili watch, kili watch. What? What? Johnny est au Ed Sullivan Show sur CBS le 1er juillet 1962. Maintenant, on va retrouver Johnny dans quelques secondes en duo avec un trio, même carrément avec Connie Francis et Johnny Dorelli. Just a little while to sing with Connie Francis. Now, before I bring out, voilà. Here at the Moulin Rouge in Paris, you've never heard a trio like this. Connie Francis, Johnny Halliday and Johnny Dorelli. Jeune fille scream, boy, you're the rocking sound and they gay patty play gay. And in Saint-Tropez they swing and sway with Halliday. It's true, you know, you are the top. You got a rover swooning, you're the top. With that Frankie crooning, when you start to sing, they say, Johnny, boy, don't stop. You're the top, number one in Italy. Merci. You're the top, also one in Paris. Merci. It's been told to me that in Germany you rate. And I've heard that things you simply quit in a party, eh? That's my home, you know. You're the top, you're out selling pizza. Better known Mona Lisa. Now you make me blush, please tell me more, don't stop. Well, if Connie were the bottom, well, if Johnny's on the bottom, well, I tell you, I'm the level, you're the top. Ah, j'ai dit une grosse bêtise, c'est ça quand on ne vérifie pas ses notes. Non, non, c'était en direct du Moulin Rouge, toutes les interventions là. Oui. Cinco Brutos. Oui, oui, bien sûr. Merci Ed, merci Ed. C'était enregistré fin 1961 au Moulin Rouge. On te retrouve tout de suite, John Hallyday, en 1965. Je veux vous entendre crier. Allez, on entend crier, allez. Je veux vous entendre taper avec vos fils, partez. Guerre, à Paris, rentrée de Johnny Hallyday après 2 ans d'absence. Et je veux vous entendre. Beaucoup plus fort. J'ai entendu une phrase qui peut être considérée comme gentille ou méchante. Derrière, dans la coulisse, on a dit « Avant, Johnny Hallyday criait, maintenant il chante ». C'est un compliment aussi. Oui, c'est un compliment, oui. Vous le prenez comme ça ? Oui. Johnny ne crie pas, il chante, oui. Je s'en fout, au-là devant moi, c'est la vie que j'aime et dans ses bras, c'est mon meilleur ami. Mais non, je ne peux croire ça. Ça me ferait trop mal, elle ne ferait pas ça. Ça me ferait trop mal, elle ne dirait pas ça. Pas ça. Mon amour. Mais je s'en fous, oh la vie me joue un tour. Mais pourquoi me faire ça? Je le veux si peu. J'ai demandé qu'elle m'aime un peu. Ah, mais c'était beaucoup. Leur être qui se cherche, ça me ferait trop mal. Et ces mots qu'elle lui crie, ça me ferait trop mal. Trop mal. J'étais dans la salle tout à l'heure, je vous ai regardé, oui. Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait Johnny Hallyday, il y a quelque chose de changé, malgré la sueur qui coule, c'est un peu plus calme. Bien. Ah bon ? Vous trouvez pas ? Je ne sais pas, moi. Si, vous le savez quand même. Bah écoute, je ne sais pas, moi j'essaye de faire toujours ce qui est au goût du jour, et puis... Et ça ne vous énerve pas, pendant que vous chantez, pendant que vous vous concentrez, disons des chansons un peu plus sérieuses que par le passé, disons les mots, d'entendre des jeunes qui crient, qui s'excitent, comme si c'était le Johnny Hallyday d'il y a 2 ans. Non, parce que malgré que je mon tour de chanson soit un peu plus calme, j'essaie quand même de rester quand même dans le style que j'avais l'habitude de faire. On a parlé d'une véritable reconversion, c'est-à-dire que on peut prononcer le mot, on a dit que les yéyés étaient morts. Alors, moi je peux vous dire une chose, c'est faux. Vous en êtes sûr ? Oui, vous savez, croyez-moi que ce genre de musique-là restera là encore longtemps. Et alors pourquoi vous évoluez ? Vous glissez vers la chanson un peu plus douce, un peu plus calme ? Parce que peut-être que je préfère ça. Eh bien maintenant il est 18h. Et oui, comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma belle tenue militaire réglementaire d'ailleurs. Le soldat Jean-Philippe Punt vous salue bien, car maintenant c'est l'heure du quartier libre. Pour l'oiseau qui a chanté Alléluia, sur l'arbre qui a gelé, Alléluia, pour la fille abandonnée, Alléluia, qui espère toujours aimer, Alléluia. Qui va grandir, Alléluia. Et pour l'homme qui va mourir, Alléluia. Oui. pareil. Eh bien, c'est très bien. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Je ne suis pas prêt, je cherchais des petits trucs. Mais ne vous inquiétez pas, on va écouter de la musique, bien entendu. En 1968, c'est en 1967, Johnny. J'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave. Johnny a interprété, ou 1968, Johnny a interprété deux titres pour un gala pour l'UNICEF. C'était Mon fils est aussi dur que du bois. On va les retrouver tout de suite, ces titres-là. Et puis en même temps, je vais vous chercher le petit diaporama qui va diffuser. Vous écoutez Johnny de A à Z tous les mercredis, enfin les mercredis, non, n'importe quoi, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h. Ouais. Mon fils, il faut que tu saches, je te montre les mains du fossoyeur. Cet homme n'était pas un lâche, il est mort pour sauver son honneur. Mon fils, tu ne peux pas comprendre. Si cet homme a dû prendre son fusil, c'était pour mieux se défendre. Et c'est lui qu'on enterre aujourd'hui. Et les hommes le faisaient. Tu vois cette femme, peut-être fière de lui dans son malheur. Sa vie se termine en larmes. On enterre la moitié de son cœur. Mon fils, tu vois ses couronnes, te prouve qu'il n'était pas seul dans la vie. Écoute la cloche qui sonne, même le bateau était son ami. Et des hommes près des ténors, et des hommes de sang et de haine. Par une nuit tranquille, on traversait la ville et on détruit son domaine. Et ces hommes courent ton cœur. Mon fils, il faut que l'on rentre. Ce n'est pas un spectacle pour un garçon. Mon fils, nous attend à la maison. se faire l'enfer. Et j'ai le cœur aussi dur, aussi donc dis-moi. Johnny Hallyday, et vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. À présent, nous allons faire un tour du côté de l'Italie. Johnny passé à la télévision Rai Uno le 23 avril 1972. Je dis un bonjour à Frédéric car je ne retrouve pas cette anecdote sur ses livres, aussi bien sur le livre Johnny Immortel que sur le livre Johnny l'éphéméride. Il va répondre, là, il va répondre. Et il était donc sur, dans l'émission Teatro 10, c'est comment, je ne sais même plus comment on dit 10 en italien, Dice, un truc comme ça, non? Il va interpréter Morir Domani, donc autrement dit, comme si je devais mourir demain, et puis avec une petite interview d'une cinquantaine de secondes, et après il y aura Je suis dans la rue, et voilà, Shaking Going On. On retrouve Johnny Hallyday sur Rai Uno le 23 avril 1972. Un nome che non ha bisogno di presentazioni. Johnny Hallyday! Solo a Dio confesserò il male che ti ho fatto io. Come puoi amarmi così? Se c'è l'inferno qui con me, sono io un uomo che la sua vita butta via, e perciò io resto qui, io t'amo come se dovessi. E vous allez voir, il parle très très bien italien. Mi piace molto, molto bravo. Penso che sia una canzone destinata a un successo, sicuramente. Questo non vuole dire. Beh, ma io lo auguro. Però io ho un ricordo diverso di Johnny Hallyday. È vero o no? Come che? È un ricordo di un cantante diverso, di un cantante scatenato, una cosa straordinaria, pieno di forza, di ritmo. Sì, io mi ricordo il cantante che scatenava il pubblico dell'Olimpia, sì. Col microfono. Sì, ma questo... No, non c'è più? Sì, ma questo è difficile di fare questo, sì, in 5 minuti, perché quando andiamo a cantare su un teatro facciamo una ora o due ore. Certo, cioè c'è uno show lungo, insomma. Sì. Quindi quello... Ma qualcosa di simile però? Ma sì, possiamo provare. E io vado a sentire. Ok. Je suis né en Paris. Vous connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'hommage, ouais. Oh, je suis né dans la rue, ouais. Oh, dans la rue. We'll Présente Johnny Hallyday de 1972 pour le retrouver d'ici quelques secondes, donc toujours en 1972, oui, sur les routes donc du Johnny Circus. Un petit montage qui permettra de faire une écoute de la chanson Comme si je devais mourir demain, avec deux versions que j'ai jumelées. C'était La Rochelle et Chantilly. Bon, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai fait ce que j'ai pu. On écoute ça tout de suite. Johnny Hallyday, Comme si je devais mourir demain. Petite version qui fait 5 minutes. Et Johnny, au début, qui fait un monologue très très intéressant, comme on aime, tout à fait. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes heureux? Vraiment. Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous qui puisse venir me voir en face et me dire sincèrement si dans la vie il peut me jurer qu'il n'a jamais été déçu par rien. Est-ce qu'il y en a un seul ici ce soir qui puisse me dire en face quand l'amitié n'a jamais été déçu? Est-ce qu'il y en a un seul parmi vous ce soir qui puisse venir me voir et me dire en face qu'en amour, il n'a jamais été déçu. Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a un seul? puisse me dire en face. Qu'il y croit encore assez. Pour me dire qu'il est capable de mourir. De mourir d'abord. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois t'ai-je fait mal. J'ai voulu vivre à tout prix. Je n'ai rien fait de ma vie. Et pour la première fois, je chante comme si je devais. On enchaîne immédiatement avec Johnny Hallyday sur les routes en 1974 dans l'émission À bout portant. Johnny est en Belgique. Avec de la mayonnaise. Bien sûr. Il y a de bonnes gueuses aussi. Bon, on est ce titre. La fille aux cheveux clairs. Il y a une chose que les Français n'ont jamais compris. Je vois plus qu'eux. Et ils se sont toujours demandé comment je fais. C'est simple. Je suis à moitié belge, le répond. Ça va? Il fait chaud. De l'époque où je n'avais pas encore de voiture, à l'époque où je commençais à chanter, à l'époque où je prenais le train, et pour tout bagage j'avais un sac sur mon dos et une guitare dans ma main. À cette époque-là, j'ai rencontré une fille que je pense avoir aimé. Et puis le jour où je suis devenu un peu plus connu, où j'ai commencé à avoir une voiture, je ne l'ai plus revue. Alors pour ne pas l'oublier, j'en ai fait une chanson. J'aurais aimé être à l'image, mais je peux le faire, je peux le faire. D'ici quelques secondes, je serai à l'image. Oui, mais on va essayer de faire ça. Ne bougez pas, vous êtes sur l'émission Johnny de A à Z. Ça y est, me revoilà. Ouais. Johnny de A à Z, tout le lundi, le mercredi et le vendredi, à partir du 17h. On vient de quitter à l'instant l'émission À bout portant, où Johnny, où on s'est retracé un petit peu le parcours et la tournée de Johnny Hallyday en 1974. Et il faisait aussi notamment une interview avec Michel et j'ai perdu son nom. Oui, vu qu'il y a un décalage, donc on ne me le donnerait pas en direct. Et on va retrouver maintenant Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. C'était aux arènes de Béziers le 13 août 1978. Ils avaient fait une fin de concert ensemble. Johnny va d'abord faire son petit medley rock'n'roll, un hommage à Elvis Presley. Et après, ils se retrouveront pour le final avec It's So Easy, la reprise de la chanson de... Ah, j'ai des trous de mémoire de Linda Ronstadt, merci. Et puis aussi de Buddy Holly qui était à l'origine de cette chanson-là, It's So Easy. Et bien on y va tout de suite, hein. On part en 1978 et vous écoutez bien sûr l'émission Johnny de A à Z. Ce concert a été retransmis par Europe 1 à l'époque. Avant de vous quitter, avant de vous quitter, je voudrais vous chanter une chanson à la mémoire de celui qui pour moi restera toujours le king of rock and roll. Oui. I said, come and have a baby, whole lot of shaking going on. I said, come and have a baby, whole lot of shaking going on. We ain't picking, whole lot of shaking going on. Come and have a baby, we got a chance. All you gotta do, honey, is shake around with me. Voilà, sortie de scène de Johnny, me semble-t-il. Sur un pot-pourri de rock'n'roll, peignoir bleu marine sur les épaules. C'est un boxeur qui aurait été faire 7-8 ou 10 rounds avec un adversaire fou qui s'appellerait le rock'n'roll. Quelle merveille. La nuit de Béziers, des étoiles, une chaleur ambiante extra. Et cet animal, ce fauve, tout en bleu. Il y a rarement des animaux en bleu, mais lui en fait partie, qui repart sur la scène dans les projecteurs, devant un saxophoniste qui se roule carrément sur la scène et joue entre ses jambes. Folie furieuse, à peine si on ose regarder. Et l'heure va bientôt arriver de... Non. Quelque part, je vois Sylvie Vartan. La foule quasiment extatique. Peut-être bien la dernière des chansons de ce show de l'été. It's so easy. Johnny à genoux. Debout. La foule qui en mesure tape dans ses mains. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. People tell me love's a fool. Here I go, breaking all the rules. It seems so easy. Yeah, it's so easy. Oh, it seems so easy. Yeah, well, you're gonna Version été 78 avec Johnny et Sylvie. Je pense que s'achève, Sylvie en robe tout à fait léopard, ce grand show de l'été. Pierre Blanc, Jean-Claude Conan, Yves Abraham et Jean-Louis Lafont vont vous remercier d'être restés avec nous jusqu'à donc cette heure très avancée de la nuit puisqu'il est 1h19. Merci aussi aux journalistes qui ont accepté de reculer le flash d'information d'une heure. Marc ? Oui ? Encore quelques notes de musique. Merci à toi pour ce show de l'été. Voilà. Easy to avec nous. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. It's so easy. Oh, it's so easy. Yeah, it's so easy. Denis appelle Sylvie et tous les deux repartent saluer. Clameur dans les arènes. C'est ça, me semble-t-il. Bien fini. Mais non. Je n'y repars. Dans les micros. Enlace Sylvie. Sur Europe, il est 1h21. Merci aux journalistes d'avoir attendu cette heure-là pour vous donner les informations. Merci aussi. On va enchaîner tout de suite. Johnny Hallyday et Silverton se retrouvent 2 ans plus tard, en 1980, pour une tournée. Oui. Johnny ici se séparait. Hein. C'était le 27 juillet 1980 et tous les deux interprètent le titre « J'ai pleuré sur ma guitare ». Quand Johnny prend sa guitare et qu'il chante cette chanson, j'ai toujours beaucoup aimé. Exceptionnellement ce soir, parce qu'on est tous les deux, on va la chanter ensemble. Le 29 septembre 1979, Johnny est passé à la télévision sur TF1 dans l'émission Aujourd'hui la Marine. Et nous interprétait le titre, il faisait un concert sur le Foch, bien entendu, et aussi nous interprétait ce titre terrible. Qu'est-ce que tu croyais ? À peine une heure que tu es là, et tu cherches déjà une fille. Mais tu sais, non, ça ne marche pas. Elle préfère ça qui brille. Ton heure, c'était il y a longtemps. Ça brûle des souvenirs. Les filles donnaient leurs 20 ans. Maintenant tu peux courir. Oh non, qu'est-ce que tu croyais? Yeah. voudrais quand même vous présenter ceux qui m'accompagnent. Mes musiciens, mes amis, ceux qui me suivent partout. Messieurs, mes musiciens. Les orchestrations sont écrites, l'orchestre est dirigé. Au trombone par mon ami Jean Costa. Qu'est-ce que tu croyais? 87HCM, cette émission Johnny de A à Z. Oui, spécial télévision et bootlegs en même temps. On se retrouve mercredi à partir de 17h pour une nouvelle émission. Et encore merci à toutes et à tous d'avoir assisté, participé à cette émission. Écoutez surtout cette émission. Que vous me regardiez, c'est pas un problème. C'est surtout écouter l'émission et surtout écouter Johnny. Bonne soirée à toutes et à tous. On se retrouve mercredi. Et puis prenez soin de vous et aussi parlez-en autour de vous de cette émission. À bientôt. Ciao, ciao.